mets ton micro puis laisse les citoyens parler. L'autre, il veut faire sa place. Laissez-moi parler, là, laissez-moi parler. C'est-tu lui, ça? On entend dire ça? Je pense, oui, mais oublie pas que les TV étaient en direct aussi. Ouais, puis ça. La régie devait leur dire, hey, faudrait que ça... Ah ouais, c'est, écoute, tu penses qu'il y a un niaiseux, hein? Penses-tu qu'il y a un gars dans la régie qui a dit à Nicolas Vigneault, tasse les citoyens, on n'aime pas ça, ce show-là, on veut que ça soit toi qui pose une question. Voyons donc. Juste vous rappeler le contexte dans lequel les collègues de l'électronique travaillent parfois. Hey, c'est un excellent show de démocratie directe. Tout le monde adorait ça, que vous soyez n'importe quel bord.